Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro dans ton cube. Aujourd'hui avec moi j'ai encore une nouvelle personne, David. Bonjour, merci de m'avoir convié à cette session de dans ton cube. Bah, merci à toi. Aujourd'hui nous allons parler OpenShift et donc quoi de mieux que quelqu'un de Red Hat pour parler de ça. Mais avant, est-ce que tu veux bien te présenter ? Alors oui, merci. Moi, je suis chez Red Hat depuis un certain temps, depuis 2016. Avant ça, je faisais surtout de la virtualisation, plutôt côté Dell, EMC, VMware, avec les VBlock, pour ceux qui ont pu connaître, hein, sur la partie IaaS. Et encore avant ça, je faisais du SAN, du Fibre Channel, donc un background plutôt infra, petit amené vers le soft. Alors, ça reste du soft d'infra, hein, Kubernetes, container as a service. Mais néanmoins, on est sur quelque chose de beaucoup plus logiciel, et on en parlera lors de cette session. Bah, super. Alors, moi, je vais replacer un peu le background par rapport à tout ça. Moi, je fais du Kubernetes depuis 2015 et j'ai toujours entendu parler d'OpenShift. Ça a été quelque chose qui est venu dans toutes les missions où je suis passé parce qu'en fait, bah, c'est toujours un acteur, ça a toujours été un gros acteur, mais je n'en ai jamais fait. Je n'en ai même jamais vu en prod, je n'ai jamais mis mes mains sur un OpenShift. Et on va pouvoir parler justement du pourquoi peut-être ça s'est produit. Mais toi, si tu devais présenter OpenShift, tu présenterais comment ? Alors, d'abord, pour des gens qui n'ont jamais vu OpenShift, comme toi par exemple, ou peut-être comme les auditeurs, quelqu'un qui se connecterait en CLI, en kubectl à un OpenShift, serait bien incapable de dire s'il est sur un cube vanilla ou si c'est sur un OpenShift. Je pense que c'est ça vraiment, et ce sera un peu le fil rouge de la discussion qu'on va avoir, et c'est une discussion qu'on a souvent avec les clients, c'est que c'est avant tout une distribution Kubernetes, avec un endpoint Kubernetes. Tout ce qu'on fait sur du cube vanilla, tout ce qu'on fait sur du cube managé, sur le cloud public, on sait le faire sur un OpenShift. Donc il y a des choses en plus, avec une extension de l'API. Quand on parle d'OpenShift, en fait, c'est plutôt une API au-dessus de cube. Mais à minima, on est vraiment sur du cube. Donc, on a les etcd, on a les workers, on a les labels, on a le scheduler, tous ces composants que vous connaissez, vous allez les retrouver sur OpenShift. Donc, une fois qu'on a mis ça de côté, donc la question, c'est bah, pourquoi un client, s'il a exactement la même chose en vanilla ou en do-it-yourself, pourquoi il va prendre du Red Hat ? Alors, il y a deux principales raisons. La première raison pour moi, par rapport aux échanges qu'on a avec les clients, c'est la problématique de life cycle, c'est-à-dire de maintien en condition opérationnelle de la plateforme. On a beaucoup de clients qui ont commencé sur du cube vanilla, un peu comme les clients OpenStack d'ailleurs, hein, qui ont fait leur propre plateforme, ça a bien marché pendant un certain temps. Ils ont mis en place des task force, des ETP pour la maintenir. Et puis petit à petit, à mesure que les gens quittent un petit peu le pôle technique, ils perdent les sachants, ils perdent le savoir. Et là, ils n'ont pas forcément d'éditeur vers lequel se retourner pour mettre à jour la plateforme. On a la même problématique en cube. Et on a une autre problématique qui est double. Alors parfois, là, on a des débats et tu pourras me challenger là-dessus. Mais souvent, lorsqu'on déploie cube, on peut avoir des gens qui ont la responsabilité de la partie cube et d'autres de la partie operating system. Parce que comme la plupart des auditeurs savent bien, il faut un Linux en dessous. Alors un Linux à discrétion, n'importe quelle distribution peut faire le job hein, pour déployer du cube dessus. Après il y a différentes technologies d'installeurs, on peut le faire à la main suivant toutes les premières doc cube qui sortaient si on a beaucoup de temps libre ou avec différents installeurs. Mais in fine, on a toujours quand même cette dépendance entre un Linux et donc une version de kernel et une version de cube. Donc la plupart des clients qui en discutent, souvent même quand ils font du cube vanilla, la partie souche, operating system, qu'elle soit Red Hat ou non, reste à la main des admin sys. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le point important, c'est d'avoir une distribution dans OpenShift qui combine l'operating system avec la partie cube, avec une même logique de management cube native. Et peut-être on en parlera plus en détail lors de cette session. Et le deuxième aspect, c'est qu'on a beaucoup de clients qui sont un petit peu perdus côté Kubernetes, qui font du move V2C, VM to container. Ils ont un éditeur qui leur fait leur logiciel, qui faisait tourner sur de la VM depuis 10 ans, et c'était bien content. Puis l'éditeur arrive en disant, voilà le nouveau soft, c'est un chart Helm qui regarde ça, et puis il dit, comment je déploie ça? Est-ce que je peux le déployer sur ma VM, sur VMware? Et là, ils sont dans une situation, en fait, où ils ont besoin d'une solution clé en main, ils ont besoin d'un orchestrateur de conteneurs, mais ils n'ont pas forcément la connaissance, ni le temps, ni la volonté d'aller regarder tous les projets et de se faire sur leur propre cube. Donc c'est vraiment ces deux typologies de clients. C'est les clients qui ont les reins solides en cube, qui en ont déjà fait, ou plus ou moins en prod, mais qui veulent un vrai support éditeur et un vrai lifecycle, et les autres clients qui ont besoin d'aller vite, qui ont besoin d'une distrib cube, qui regardent un petit peu ce qu'il fait sur le marché, et arrivent assez rapidement sur OpenShift de par l'empreinte qu'on a. Donc voilà, je dirais un peu les deux portes d'entrée pour OpenShift. C'est marrant parce que donc là, tu es revenu sur le fait que donc, OpenShift est vraiment une distribution Kubernetes. Dans la genèse, alors moi, je vais voir la genèse telle que je l'ai vue, mais tu pourras peut-être même d'ailleurs me dire si j'ai tort. Mais pour moi, la première version n'était même pas sur Kubernetes. C'était un PaaS vraiment standalone, un Heroku-like qu'on pouvait avoir on-premise, globalement, si jamais je résume. Et ensuite, il y a eu un move, donc ça doit être sur la version 2 sur Kubernetes. En 2015, en fait, à partir du moment où le projet a été mis upstream par Google, dès vraiment les toutes premières versions de Cube, ça a été une des premières intégrations qu'on a faites, un des premiers choix sur OpenShift, c'est de garder la partie PaaS. Alors le reliquat principal, c'est la console, l'interface graphique, qui est souvent ce avec quoi les clients sont Cube natifs sont le moins familiers, parce que généralement, ils ont pas de GUI, hein, ils ont le Cube CTL et ils interfacent directement avec le endpoint. Et à l'inverse, beaucoup de clients n'ont jamais fait du CLI pour taper l'OpenShift. Ils vont sur la console, ils créent leur namespace, ils créent leur déploiement. Donc, on est vraiment le plus gros héritage de cette version un peu d'âge de pierre pré-Kubernetes. C'est cette partie PaaS et principalement la partie console et la partie DevTool. Mais dès qu'on a pu faire du Kubernetes, en fait, ce qui se passe... C'est encore ce que je n'irai l'avoir dit, c'est un peu non officiel, mais quand Google a décidé de rendre upstream Cube, il y a différentes raisons à ça. La première, c'est que eux, ils considéraient qu'ils étaient déjà passés sur une techno d'orchestration différente. Donc, pour ceux qui discutent un peu avec du Google en interne, ils ont d'autres technologies que le Cube qu'on connaît de tout un chacun pour faire tourner leur propre prod. Ils utilisent évidemment Cube encore sur certains aspects de leur prod cloud, mais pour eux, c'est un peu une technologie qui, entre guillemets, est mature. Et donc, ils ont malgré tout décidé de le mettre à disposition pour la communauté. Et c'est là qu'il y a eu l'explosion. Donc, il y a différents acteurs qui ont comité sur cette plateforme, notamment Red Hat. Et donc, au début, Red Hat était surtout mainteneur de Kubernetes, un peu petite main par rapport au commit que pouvait faire Google. Et ça arrivait comme ça et s'est intégré dans OpenShift. Donc, ta remarque est vraie. Et donc, on a tout le moteur Cube qui a été mis tel quel dès les premières releases et la partie PaaS qui a été gardée. Et la partie PaaS était déjà conteneurisée. Donc, il y a eu un changement de runtime. Il y a eu vraiment les premières itérations. On était sur du pur Linux. On était encore sur du runtime et de l'engine Docker et les premières versions de Cube pour petit à petit arriver sur un monde post-rachat CoreOS. Donc ça, j'en parlerai aussi pas mal parce que c'est un peu le game changer sur la version d'OpenShift actuelle, ce qui a permis de faire cette jointure entre l'operating system et la partie Cube. Et donc, à post-rachat CoreOS, là, il y a eu effectivement ce changement d'engine vers Cryo. Il y a eu cette combinatoire avec l'operating system et il y a eu vraiment cette fusion complète. Mais à aujourd'hui, 2022, quand on dépoile entre guillemets un OpenShift, on enlève tous les layers qu'il y a au-dessus. Et si j'ai pas envie de taper le endpoint API OpenShift, je peux très bien travailler en Cube. J'ai des clients qui n'utilisent que Kubectl. Et c'est vrai que, enfin, ça a été nous quand on utilisait Kubernetes et quand on essayait de le pousser en interne en 2015, c'était déjà très compliqué. Quand on a vu le move de Red Hat de partir dessus alors qu'on était en version 0.6.0.7, hein, on était vraiment. Il faut bien voir que ce move d'être parti dessus, c'était un peu un leap of faith de partir dans toute sa solution de PaaS de partir là-dessus. Donc nous, on l'a regardé et c'est ce qui a fait d'ailleurs que Red Hat a gagné pas mal de SIG à ce moment-là, donc des mainteneurs dans pas mal des parties de Kubernetes, parce que c'était une des premières grosses entreprises autres que Google à partir et à se dire ok, c'est la bonne solution, on part dessus, on y va. De cette partie PaaS notamment, donc là tu as parlé de la GUI, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont faire que si je suis un utilisateur Kubernetes, je vais être un peu différent? Alors oui, il y a des choses et c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait le principal apport de client, on l'a eu vraiment plutôt sur la partie OpenShift 3, donc à partir d'OpenShift 3. Et là, évidemment, en tant qu'éditeur, bon, on a un peu fait notre boulot de mettre en avant des fonctionnalités pure OpenShift, et je vais revenir dessus sur les choses qui n'existent que dans OpenShift et pas dans Cube. Et c'est assez amusant parce qu'aujourd'hui, on a un peu changé notre fusil d'épaule par rapport à ça. Il y a une chose pour les utilisateurs OpenShift anciens qu'ils ont bien utilisé de par le passé, qui s'appelle le déploiement de config. Donc le déploiement de config, c'est à l'époque, faut se remettre un petit peu dans le contexte, 2016-2017, c'est j'ai un déploiement de Cube, j'ai pas tous les éléments qui me vont bien, pour triggerer des changes, j'ai pas forcément les webhooks, je sais pas faire forcément du rollback facilement. Donc en fait, toujours la philosophie, et ça va être le cas pour d'autres composants, pour la partie ingress aussi, c'est le fait de dire qu'est-ce qui est dispo sur Cube à un instant T? Est-ce qu'il y a des trous dans la raquette pour faire de la prod, ou est-ce qu'il y a des choses où on pourrait rendre la vie plus facile? Et du coup, on le met non pas dans l'API cube, même si parfois il y a des choses qui peuvent être reversées, il y a des choses qui peuvent shifter un petit peu des logiques, en tout cas de la partie API OpenShift vers la partie Kubernetes en tant que telle. Puis parfois ça sort et ça fait son propre projet CNCF pour certains cas particuliers. Donc c'est vraiment ça la philosophie. Donc historiquement, il y avait les déploiements de config, il y avait des choses comme le S2I, le source to image. Donc le source to image, c'est j'ai un conteneur qui permet de faire un build en référençant simplement un code sur un Git. Et donc ça, c'est rigolo parce que bon, à l'époque, on avait des clients qui nous disaient « Ah bah non, ça c'est quand même hyper propriétaire, c'est quand même compliqué, etc. etc. » Et puis quand on regarde des choses aujourd'hui comme Tecton, quand on fait du build, c'est exactement la même logique. Alors pas avec la même technologie hein, parce que ça, c'est le cloud build derrière, il y a un autre, c'est pas les conteneurs images que nous on met à disposition pour S2I, mais cette logique là à un moment donné de facilité d'usage, on les retrouve quelque part dans d'autres parties d'écosystème. Donc déploiement de config de moins en moins utilisé, c'est plus quelque chose qu'on met par défaut quand on déploie une application. Tout ce qui est ingress, donc ça c'est quelque chose où il y avait vraiment des gros trous dans la raquette au départ, donc on a fait un choix dès le départ d'avoir une version opinionated de notre ingress qui en fait n'est ni plus ni moins qu'un HAProxy avec un déploiement qui va automatiquement gérer cette partie ingress. Donc voilà, ça c'est un peu les choses. Il n'y a pas tant de choses que ça hein, qui vont être différentes. Ce qui va changer aussi, c'est des outils un petit peu pour faciliter la vie. C'est-à-dire que sur le CLI OC, pour OpenShift, on va avoir quelques mots-clés supplémentaires pour créer ce qu'on appelle un project. Alors un project aussi, c'est un autre exemple. Souvent, les clients me disent, c'est quoi la différence par rapport à un namespace? Alors, 99% des cas, pas grand-chose, c'est juste qu'on a des labels, des métadonnées supplémentaires. Typiquement, ça permet d'avoir deux namespaces avec le même nom, mais avec des notions de labels ou de métadonnées différentes. Donc, c'est plus des outils pour se faciliter la vie. À chaque fois, c'est pas des choses où on peut pas faire machine arrière. Si on n'utilise pas le déploiement de config, tout ce qu'on déploie sur OpenShift peut être déployé sur n'importe quel cube. Alors, à ISO version cube, évidemment, hein, si on est sur une 1.23 et qu'on essaie de déployer sur une 1.16, on peut avoir quelques petits soucis côté API, mais c'est pour dédramatiser un peu ce côté où on a moins cette discussion aujourd'hui qu'on a pu avoir il y a quelques années. Et même nos compétiteurs poussent moins cette carte-là parce qu'aujourd'hui, il y a moins de différenciants. Aujourd'hui, on va vraiment se situer sur, on prend des projets upstream et on les productise sous forme d'opérateurs. Donc, par exemple, il y a un client qui fait du Grafana, ou qui fait du Prometheus. Il en fait déjà tout seul dans son coin. Il peut aussi prendre l'opérateur et déployer des instances Prometheus et Grafana et éventuellement Thanos pour faire l'agrégation. Bah, plutôt que de le faire lui-même à la main, avec ses manifestes, ses mCharts qui maintient, il a un opérateur, un clic-bouton, il le déploie. Donc, on est vraiment basculé dans cette philosophie-là. Plus trop de spécifiques OpenShift, mais incorporation un peu dans l'écosystème opérateur. Ça a vraiment changé sur les 3-4 ans qui viennent. Donc, voilà, réponse longue à une question courte. Non, mais c'est super. mais c'est vrai que c'était quelque chose qui était souvent dit pendant un temps en disant « Oh non, mais regardez, Kubernetes, c'est nul. » La preuve, Red Hat a sa propre version de Kubernetes. Ils ont leur propre version des API, etc. C'est la preuve que Kubernetes, c'est nul. Je l'ai tellement entendu. Mais en fait, même si en fait OpenShift était juste au-dessus. Tout à l'heure, par exemple, tu as parlé des déploiements. Quand OpenShift s'est lancé en 0.6.0z, il n'y avait même pas l'objet deployment. Oui. Il fallait le faire à la main avec le kubectl. C'est une rollout à la main. Donc, c'est normal que des gens au-dessus aient créé. Et notamment, ça a créé cette notion même d'opérateur. Donc, aujourd'hui, Red Hat est le mainteneur de l'opérateur SDK, qui est un des deux gros opérateurs, un des deux gros frameworks d'opérateurs. Voilà, ça fait clairement partie de tout ça. Tu as parlé de l'API OpenShift. Oui. Aujourd'hui, elle se matérialise comment? C'est une API en CRD? C'est une API complètement à part avec un endpoint, avec un logiciel derrière? C'est un endpoint à part. D'accord. C'est un endpoint à part qui est géré différemment. C'est-à-dire que les endpoints qui portent l'API OpenShift sont gérés typiquement par des deployments. Alors que de mémoire, le cube, c'est plutôt des mindsets, si je dis pas de bêtises, ou des replicasets. Donc on est vraiment sur un autre déploiement. Alors après, bon, pour être tout à fait transparent, quand on manage un cluster au quotidien, notamment sur les montées de version, il n'y a pas forcément des choses qui sont portées sur Kube. Je pense notamment à la partie, tout ce qui est machine config opérateur. Donc là, je fais un petit recul, c'est important que les auditeurs comprennent bien, c'est que à partir d'OpenShift 4, on a vraiment voulu réincorporer la partie operating system et la partie infra au sein de la plateforme. Et donc, on a quelque chose qui s'appelle le cluster API, qui est disponible par ailleurs, hein, qui existe côté SNCF, mais qui n'est pas une extension de base de l'API Cube, qui permet à la fois de créer de l'infra et de gérer à la fois la typologie de machine, ce qu'on appelle des machine sets, mais aussi ce qu'il y a comme config dans la machine au niveau OS, ce qu'on appelle des machine config. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de clients qui déployaient OpenShift sur leur L7 ou même Cube sur du Linux, allaient éditer les fichiers etc/conf de manière extrêmement sauvage et non documentée. Et puis, bah, quand il fallait faire une montée de version, bah, toutes les configs de réseau, de NTP, de DNS éclataient en vol. Donc ça, en fait, ce qu'on a fait, alors pour rendre à César ce qui est à César, c'est tout CoreOS qui a fait ça et qu'on a racheté, qui ont eu cette notion de dire un operating system va être immutable, tous les changements sont gérés par des manifestes YAML, et ces manifestes YAML vont être cachés derrière ce qu'on appelle un machine config, au sein de Kubernetes. Donc, nous, ça nous permet de dire, quand je déploie une machine, il y a une notion d'infrastructure, donc ce qu'on appelle un machine set. Donc, derrière ce machine set, il y a à la fois du Terraform, de l'Ansible, du Python, pour dire à un moment donné, je veux créer un worker ou je veux créer un master sur du GCP, sur de la AWS, en bare metal. On a aussi des installeurs en bare metal. Même quand j'ai fait ça, en mode Fire and Forget, j'ai quand même un historique de ça dans le TCD, parce que j'ai mon machine set. C'est intéressant si j'ai envie de scaler, si j'ai envie de rajouter des workers, bah, il va simplement rejouer cet installeur-là. Et puis machine config, c'est pareil. Bah, j'ai configuré mes serveurs DNS, mes NTP, ou injecté des clés SSH sur mes workers. Je le mets ici, donc ils sont dans les etcd. Donc si à un moment donné, le worker dégage et je le reprovisionne, la conf, elle est dans le etcd. Donc tout ça, en fait, ça a été vraiment une réflexion de dire on doit gérer ces deux de manière concomitante, et ça va jusqu'au patching de l'OS. Parce que quand on patch un core OS, en fait, on va sur la partie, il y a une partition qui est up, qui est en lecture seule, il y a une autre partition qui est en lecture-écriture. On pull une image de conteneur OCI, et avec ce qu'on appelle RPM OS Tree, en fait, on applique tous les RPM qui sont packagés dans cette image sur le point de montage, et on bascule. Pour ça qu'on parle d'OS immutable. Et tout ça est piloté depuis OpenShift. Donc, ce que je disais en introduction, c'est que Cube, on se débrouille entièrement, on n'a pas besoin d'OpenShift. Il y a certaines choses, notamment au niveau du lifecycle, qui ne sont exposées que dans l'API OpenShift, mais qui techniquement peuvent très bien être incorporées sur un Cube Vanilla. Parce que cluster API, parce que tous ces concepts que je viens d'évoquer, on va les retrouver sur d'autres distribs. Mais nous, on ne l'exposera pas ça comme une extension de l'API Cube, mais ce sera intégré dans l'API OpenShift. Typiquement le cluster API, ce genre de choses. D'accord. Et donc là, t'as parlé un peu donc que vous pouviez vous installer sur du bare metal, sur du cloud, sur du GCP. Ça veut dire que vous êtes vraiment compatible avec tous les types d'infrastructures. OpenShift peut être installé. Genre demain, je suis sur du GCP, mais je vais pas utiliser les offs managés. Donc je vais déployer mes VM. Alors c'est un bon point. Alors je vais revenir sur la partie. Il y a le mode qu'on appelle Bring Your Own Subscription. Où en fait, on a vraiment son infra, on met à disposition l'infra, on met à disposition son VPC pour créer ses machines, et on arrive avec sa sub, sa souscription, son abonnement, hein, parce que Red Hat ne fait pas de licence, hein, comme dans l'open source, comme chacun sait. Et puis après, on a le mode entièrement managé sur lequel je reviendrai. Alors pour revenir à ta première question, à partir du moment où l'Ansible ou Terraform, il y a une collection, où il y a du templating Terraform qui permet de créer de l'infra, généralement, OpenShift peut être déployé. Donc nous, ce qu'on supporte officiellement, c'est les plus grands hyperscalers, donc Google, Microsoft, Amazon, IBM, Alibaba, etc., etc. Après, en virt, ça va être VMware, OpenStack et Bare Metal. Après, je le cite, parce que bon, pour rappel, Red Hat se fait racheter par IBM. IBM aussi intègre ce type de solution sur d'autres architectures, comme du Power Series, par exemple, ou du Z. C'est-à-dire qu'il y a certains clients qui tournent de l'OpenShift sur Z. Ça ne concernera pas forcément la majorité des auditeurs, mais on a des clients qui tournent aujourd'hui des conteneurs sur du Cube, sur des LPAR de mainframe, ce qui est assez amusant. Et une autre chose aussi en termes d'architecture, c'est qu'on supporte l'ARM entièrement. Donc, on a certains clients qui font des use cases de type Edge, ils prennent des instances Graviton, par exemple, sur AWS, et on est capable de faire un single node, donc un single node OpenShift Cube, avec toutes les features. Alors, sous réserve d'avoir suffisamment de CPU de RAM, évidemment, c'est pas magique. Mais on supporte ARM en standard sur CoreOS. Donc, toutes ces plateformes-là sont intégrées, supportées. On a un install full automatique ou on installe semi-automatique. Full automatique, c'est on met le endpoint, on met son access key Amazon, on clique sur un bouton ou on lance un script et ça installe tout seul. Un MVP, en fait, de la plateforme. ou on a un mode custo où on dit non, je vais créer mon infra moi-même parce que je veux injecter des IP en statique ou je veux faire certaines choses dans les CoreOS en amont. Parce que dans les CoreOS, on a quelque chose qui s'appelle l'Ignition File. C'est un peu comme le Cloud Init, hein, pour ceux qui connaissent KVM et OpenStack, c'est un peu le même concept, mais pour CoreOS. Et donc, quand on veut faire de la custo ou du durcissement en amont, on a aussi un mode SUMI automatisé, c'est-à-dire qu'on pré-crée l'infra un petit peu avant, et on launch ensuite le déploiement de la plateforme avec un nœud bootstrap qui va builder les ETCD, et ensuite, une fois que les ETCD sont formés, ils sont autoportés et puis provisionner d'autres workers. Donc là, oui, tout type d'infra sans souci en termes de déploiement. Et là, c'est une question un peu, une question que je me pose parce que ça revient de plus en plus. Est-ce que vous supportez l'airgap? Est-ce que vous êtes capable de vous installer? Donc, je reviens là-dessus sur une plateforme qui n'a pas accès à Internet, en fait. Oui, est-ce complètement. Donc, en fait, on a possibilité de faire une registrie miroir. Parce qu'en fait, quand on installe un OpenShift, le contenu, il est sur registry-redhat.io. Enfin, en gros, il est chez Red Hat parce que c'est principalement des images de conteneurs qui sont sur la registrie. Elles sont aussi disponibles sur quay.io, qui est la registrie, l'équivalent du Docker Hub de Red Hat. Et donc, en fait, on va faire une synchro, un pool de ces images sur une registrie locale. Il faut juste que ce soit une registrie Docker. Donc, si vous êtes en full écosystème Red Hat, vous prenez une RHEL et vous faites un podman dessus. Si vous voulez faire une registrie Docker ou si vous avez un Artifactory dans un coin qui peut faire une registrie, n'importe quelle registrie compatible Docker fonctionne. On va pouler toutes ces images. Alors, attention, ça fait quand même quelques gigas. Donc, souvent, quand on fait de l'airgapt, si c'est à la 3G sur le laptop dans un data center, bon, faut prévoir un petit peu le temps pour le faire. Mais techniquement, aucun souci pour le faire pour la plateforme et aussi, et ça, c'est assez récent, pour le marketplace d'opérateurs. Parce qu'on a quelque chose qui s'appelle l'opérateur Lifecycle Manager, où là, on a vraiment tous les manifestes pour les opérateurs. Et ça, c'est un autre repo. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans le marketplace, c'est pas forcément Red Hat qui le publie. Quand Nvidia pousse un opérateur GPU avec son driver, c'est eux qui poussent le code, même s'il est open source. Donc, c'est un autre repo qui n'est pas hébergé chez Red Hat. Et ça, on sait aussi le faire en airgap. OK. Donc, voilà. Et sur les machines, là, je reviens un peu. Est-ce que vous êtes capable de faire de l'autoscaling par rapport à ça? Et si c'est le cas, comment ça va se passer si j'ai du bare métal? Est-ce que vous êtes même capable de gérer le cycle de vie de bare métal? Alors, en Virt, c'est relativement classique parce que c'est les machines 7. Alors, sous réserve qu'on ait effectivement la capacité à le faire, on va mettre un peu comme pour le pod autoscale, en fait, un min-max et des triggers. Donc, les triggers, ça va être CPU et RAM, hein, principalement, pour triggerer le fait de créer un nouveau worker. En bare métal, ça va être extrêmement tributaire de ce qui existe en technologie d'orchestration de bare métal. Donc, soit on est un peu en old school, on est en IPI, il y a de plus en plus de constructeurs qui basculent sur des choses comme Redfish. Nous, on a un projet qui s'appelle Ironic pour bare métal, qui est issu un petit peu de ce que... Alors, c'est Metal Cube, Ironic, c'était côté OpenStack, et donc, ce projet Ironic côté OpenStack, il a dérivé vers quelque chose qui s'appelle Metal Cube, qui interagit, en fait, avec des API de management de matériel pour faire ça. Donc, quand je vais être dans un châssis blade UCS ou dans un châssis blade Synergy HP, par exemple, et que j'ai un backplane qui permet de... J'ai des lames prépopulées et j'ai une API type Redfish, ou avec HP OneView, par exemple, qui permet de populer des lames facilement, je vais retrouver cette dynamique-là. Alors évidemment, si j'ai pas de serveur, la Pixabot, c'est dans le carton, il va rien se passer. Mais si j'ai un châssis lame avec des cartes qui sont prépopulées, un fond de panier intelligent, on sait aussi faire cette dynamique-là en bare métal. Ok, donc en final, c'est beaucoup plus que seulement une distribution. Là. Enfin, vous avez... Oui, là, on arrive effectivement sur l'aspect. C'est pour ça que je disais que nous, pour des raisons de commodité et de packaging, c'est beaucoup d'extensions qu'on va mettre au-dessus de l'extension OpenShift. Cette API, on va la retrouver upstream côté OKD. Donc les gens qui n'ont pas forcément envie de payer une souscription, mais envie de jouer avec, vous allez sur OKD et vous avez en fait tout à disposition pour avoir cette API exactement à dispo. Mais ces projets-là que j'évoquais, sont disponibles par ailleurs, certains sont au CNCF, et donc sont techniquement intégrables comme extension d'API Cube directement. Nous, c'est un peu une ombrelle pour des raisons de commodité de packaging, mais c'est pas un couplage, il n'y a pas de dépendance à l'API OpenShift dans la majorité des cas. Et donc là, on commence à parler donc vraiment de machines, de bare métal. Historiquement, Red Hat est connu quand même pour OpenStack. Oui. C'est quoi aujourd'hui le découpage entre les deux qui va se passer entre... OpenShift et OpenStack, c'est à quel moment vous allez privilégier l'un, l'autre, les deux, quel va être le couplage? Ou est-ce que via des technologies comme KubeVirt par exemple, on se dit non, l'avenir d'OpenStack c'est en fait OpenShift, enfin c'est Kubernetes. Alors, c'est une bonne question. En fait, il y a une réponse assez simple à ça. C'est les clients historiques qui sont OpenStack. On va évidemment privilégier leur trajectoire OpenStack et en fonction des cas d'usage, les accompagner vers une transition. Tu as évoqué la partie CubeVirt. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on avait auparavant, il y avait trois offres, trois offres KVM. Il y avait l'offre KVM où je suis sur une RHEL, une Linux, et puis j'ai un KVM dessus avec un Virt Manager. Il y avait OpenStack qui est assez connu. Mais il y avait aussi OVirt, qui était la partie RHE, qui était un peu l'équivalent d'un vCenter avec des hyperviseurs classiques, hyperviseurs avec manager. Donc ça, cette offre, elle a été terminée, entre guillemets, elle est end of life, au profit de ce que tu as évoqué, de CubeVirt. Donc CubeVirt, il est intégré par défaut dans OpenShift. C'est-à-dire que le seul prérequis en support, c'est d'installer OpenShift sur du bare metal. Ça fonctionne en nested, on fait beaucoup en lab. Il y a des clients qui le font aussi pour faire du full OpenShift de sandbox sur de l'OpenShift en CubeVirt, même si on ne le supporte pas officiellement. Mais à partir du moment où vous avez un processeur qui supporte le nested, si possible, plutôt Intel, parce que sur AMD, on peut avoir quelques petites surprises de par mon expérimentation personnelle. Ça fonctionne très très bien et moi je le fais dans mes labs. Pour revenir à la partie OpenStack, on a vraiment une convergence des deux parce que ce qui arrive de toute façon dans les prochaines releases d'OpenStack, notamment 17, c'est le fait de prendre le control plane OpenStack et de le mettre sur OpenShift, donc en CubeVirt. Donc ça, soit effectivement ce qui est conteneurisé, c'est le mettre directement effectivement dans les propres namespaces dédiés d'OpenShift, et les choses qui sont plus difficilement conteneurisables, les mettre en VM CubeVirt sur OpenShift. Donc dans les prochaines de toute façon itérations d'OpenStack, pour les gens qui monteront de version, il y aura de toute façon OpenShift qui arrivera dans la picture. Donc là, la question se pose de dire est-ce que je veux une instance OpenStack ou est-ce que je veux une machine CubeVirt. La réalité aujourd'hui, c'est que fonctionnellement, il y a quand même tout l'historique d'OpenStack, il y a quand même beaucoup de choses qui existent en OpenStack, de la prod depuis un certain temps, beaucoup plus que CubeVirt. Donc CubeVirt, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux choses. On a quand même des très gros clients, notamment aux États-Unis. Il y a une grosse banque américaine qui a migré tout son parc VMware, d'à peu près 80 000 machines, sur CubeVirt. Mais c'était une vraie volonté de faire de la gestion de VM en mode GitOps, de dire bah ma VM c'est un YAML que je commit sur un Git qui fait une création de VM, c'est pas faire du clic ou bilou sur un vCenter, donc il y avait vraiment cette volonté là. Et l'autre aspect qui a été intéressant pour nous, c'était aussi le choix de Google dans le cadre d'Anthos on-prem d'embarquer la partie CubeVirt, ce qui légitime un peu ce choix technique et qui fait que Red Hat n'est pas tout seul, un peu comme sur OpenStack. Hein, si on regarde OpenStack aujourd'hui, bah Red Hat est un petit peu le dernier contributeur, dernier des Mohicans. Là, sur CubeVirt, on a quand même d'autres acteurs qui l'intègrent et ça légitime un peu la technologie. Maintenant, concrètement, on ne sait pas faire tout ce qu'on sait faire sur OpenStack, sur CubeVirt, où on sait le faire avec beaucoup plus d'huile de coude parce qu'on a toute l'ancienneté d'OpenStack. Donc, il n'y a pas, les clients qui devaient faire l'OpenStack, ils en font déjà. Donc, les nouveaux clients, généralement, se posent pas la question de déployer l'OpenStack. C'est plutôt pour les clients existants qu'on a cette problématique. Et alors, moi, c'est une problématique que j'ai régulièrement chez des clients qui, donc justement, sont ultra legacy, ont encore des machines gérées à la main, veulent passer sur le Kubernetes. Moi, le problème qui me pose, enfin que j'ai aujourd'hui, c'est que justement, tous ces clients-là qui ont des parcs de machines, en fait, ils les gèrent pas. Par exemple, ils n'ont pas de stockage vraiment disponible. C'est à la limite de temps en temps un XI qui est mis à la main parce qu'on connaît la personne là-bas qui nous a donné le endpoint écrit sur un bout de papier. Ils n'ont pas toute cette gestion, par exemple, des images, mais c'est vraiment qu'un des exemples. Mais ils n'ont pas de SDN, ils n'ont pas un neutron qu'on aurait là-dedans. Enfin, ils n'ont jamais apaisé aucune des parties de leur infrastructure, des API que souvent Kubernetes a besoin. Typiquement, Kubernetes va avoir besoin de PV, il a besoin de requêter une API pour avoir des PV. Il va avoir besoin de, si jamais je dois faire du monotenant, c'est-à-dire plein de petits clusters et pas du multitenant, je vais avoir besoin de ségréguer, d'avoir des routes réseau, etc., etc. Aujourd'hui, toi, comment tu verrais ce type de client ? Parce que si on part sur le CubeVirt, ok, on peut faire tourner donc des VM, toute cette partie-là, c'est ok. Comment tu fais chez un client un peu legacy pour avoir cette gestion, par exemple, des PV ? Là, quelle est la solution qui peut être mise en place quand on a du OpenShift ? On a cette situation qui arrive très fréquemment, parce que le grand jeu, notamment sur des clients industrie, banque, assurance, c'est je fais du V2C, et je fais du lift and shift, par exemple. J'ai tout un tas de Tomcat, de JBoss, de Webfair que je dois passer en conteneur. Donc, je sais que je dois passer en conteneur. Comme il y en a trop, ce sera orchestré. Comme c'est orchestré, c'est Kubernetes. Donc, ça, c'est réglé. Donc, souvent, il y a du repurpose. en fait, d'anciens ESX, ou pas si anciens, parce que maintenant, vu qu'on a les temps de commande de matériel et les temps de dispo, on se pose beaucoup plus la question de réutiliser les serveurs qu'il y a quelques années. Donc, on a pas mal de refurbish. Et donc là, il y a deux possibilités. Moi, j'ai deux catégories de clients. Et souvent, ces deux catégories de clients se rejoignent à la fin. Il y a des clients qui se disent, bah, je viens de refaire un marché stockage, je viens de racheter 40 Ben Etap, 10 Bedel, 50 Ben Hitachi. Donc, vous êtes gentils, mais on va utiliser ce stockage, en fait, en tant que storage class pour cube. Donc, nous, on a une position qui est assez, entre guillemets, attentiste, qui consiste à dire, attention, par rapport à ces acteurs du stockage, il faut une intégration avec ce qu'on appelle un driver CSI, Container Storage Interface. Et ce driver-là, c'est pas Red Hat qui en a la responsabilité. Même si dans certains cas, ça je n'irai l'avoir dit, mais en sous-main, Red Hat fait parfois les drivers CSI pour des petits acteurs pure player du stockage, notamment full flash, parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences pour le faire. Et après, ils le réintègrent chez eux. Et il y a l'aspect, est-ce que le driver est dispo? Et qu'est-ce que ça fait en termes de features? Typiquement, j'ai besoin d'avoir un PV RWX avec un certain niveau de performance en multi-accès. Est-ce que si j'ai une baie stockage à la papa, est-ce que ça le fait? Donc, il y a des acteurs qui sont relativement bons, type NetApp, avec un Trident, ça fait bien le job. Et puis, d'autres acteurs qui sont très legacy, c'est plus compliqué. Donc, si on a besoin que de PV block en RWO, pas de souci. Si on veut des choses un peu plus chiadées, c'est plus compliqué. Donc là, généralement, arrive la deuxième proposition de Red Hat. Red Hat propose son propre Software Defined Storage, qui s'appelle en fait ODF. Alors, CEF, pour ceux qui ont connu la partie OpenStack. Donc, il y a un projet qui s'appelle Rookayo en upstream, qui en fait containerise CEF. Il y a deux manières de faire. Soit on met vraiment la totalité de CEF dans les workers, c'est-à-dire qu'on va utiliser des disques, des slash dev qui sont visibles des workers, qu'on va formater en OSD comme en CEF, et on va avoir en fait un CEF RadOS Gateway qui fait également l'object tout intégré, clé en main. Ou alors on peut travailler en mode connecteur. J'avais déjà un cluster à CEF sur mon OpenStack. Vous êtes mignon, on va se brancher dessus. Pas de souci, on a un connecteur en fait. L'ODF, c'est aussi de travailler en connecteur CSI sur un CEF externe. Donc, avec cette combinatoire-là, on peut dire, vous reprenez un serveur, soit il y a des disques dedans, c'est super, on va mapper ces disques directement et on va les formater en ODF. Soit vous avez du stockage SAN à l'extérieur, c'est pas grave parce que ces disques SAN vont être visibles en SHDEV sur les workers et on va mettre de l'ODF dessus. Et là, on a la totalité de ce qui est possible, file, bloc, object, RWO, RWX. C'est la seule techno, à ma connaissance, qui permet de faire du RWX en bloc, pour le use case CubeVirt notamment, quand on fait du live migration. J'ai pas connaissance d'autres technos CSI qui permettent de le faire. Et donc, ça permet vraiment de linéariser un petit peu, si tu veux, et d'avoir, à un moment donné, la même storage class qu'on soit sur Amazon. Je suis sur Amazon avec mon OpenShift, j'ai un EBS derrière. Par contre, j'ai un ODF, donc mon PVClaim, il est toujours sur la même storage class, ODF Gold, que je sois sur VMware On-Prem ou en Bare Metal, ou que je sois sur AWS. Donc, on a beaucoup de clients qui commence à se dire, je vais utiliser ça vraiment en CSI, et puis il regarde ODF et se dit, finalement, c'est quand même assez pratique, on va regarder ce que ça fait. Et donc là, c'était d'ailleurs un héritage de la partie PaaS. Vous faites plus des méga clusters, on va dire un cluster assez gros dans lequel tout le monde va être. Enfin, si jamais je vois un peu l'héritage du PaaS, c'est un peu ça. Alors, pas forcément. C'est peut-être l'image qu'on a de l'extérieur. C'est vrai pour OpenStack, c'est beaucoup moins vrai pour OpenShift pour des raisons de gouvernance. Et d'ailleurs, du coup, je vais faire une transition. C'est que on fait beaucoup moins de très gros clusters qu'avant pour des problématiques de multi-tenancy, surtout pour des problématiques de gouvernance. Parce qu'on est souvent dans un cas en fait où on a un grand groupe français 440. Souvent il a un département IT group, une DSI, et il fait des services que les métiers sont censés utiliser. Ok. Et les métiers qui ont envie de cohabiter sur la même infra, généralement c'est compliqué. Faut vraiment leur tordre le bras pour dire vous avez partagé le même OpenShift ou vous avez partagé la même plateforme. Donc on se retrouve beaucoup dans des cas où en fait on a une filiale, un cluster métier pour une banque. Il va avoir ces 5 clusters, prod, dev, test, QA, sandbox. Donc, on va avoir 5 clusters OpenShift pour l'un, 5 clusters OpenShift pour l'autre. On se retrouve avec beaucoup, beaucoup de clusters. Et c'est pour ça aussi que, quand on a refait l'intégration avec IBM, ils avaient un outil qui s'appelait MCM de gestion de flotte cube, qu'on a réincorporé dans le portfolio, qui s'appelle ACM. Justement, parce qu'en fait, si on regarde tous nos gros clients, ils ont en moyenne une quinzaine ou une vingtaine de clusters. Minimum. Donc, on est plutôt, moi, de ce que je vois dans les clients qu'on manage, c'est que techniquement, on pourrait faire des méga clusters. Mais en pratique, la réalité des clients, notamment français et européens, fait que on se retrouve à faire beaucoup, beaucoup de clusters. Et donc, on fait de la gestion de flotte. Et après, par contre, on a des features intéressantes, notamment pour stretcher du SDN, pour générer des scénarios de multi-cluster. Parce qu'on a beaucoup... Le client typique, grand client industriel ou banque assurance française, c'est j'ai deux data centers. Bon, j'ai compris qu'un quorum, c'est à trois. Je suis en train d'en construire un troisième. Donc, on va stretcher un cube sur les trois data centers. Bon, déjà, on commence à regarder la latence entre les data centers pour voir ce qui est faisable. Et souvent, ils se disent, ouais, mais en fait, j'ai un autre site là-bas, mais ce serait pas mal, en fait, si je pouvais vous bouger un workload ou, en tout cas, donner une visibilité d'un workload par rapport à l'autre. Donc, on a un projet qui s'appelle Submariner, qui est incorporé dans SM, qui permet de stretcher, en fait, le SDN, dont j'ai pas parlé, mais je pourrais parler sur OpenShift, et donc de donner une visibilité sur un service cube, depuis un autre cluster. C'est-à-dire qu'il y a un service, il y a un discovery de SVC qui est porté par Submariner, qui permet de taper un SVC cube d'un autre cluster depuis un autre réseau complètement. Quoi. Si j'ai souvenir, on a déjà parlé de Submariner dans un autre podcast, mais il y a ça au moins 3 ans. Donc, Submariner, si je me rappelle bien, ça fait des VPN entre les clusters et plus la partie discovery. Il y a un service de discovery SVC qui est en complément, qui n'est pas dans Submariner. C'est un projet à part, mais qui est quand même rattaché. Parce qu'effectivement, si on fait juste si on popule pas les services dans l'autre cluster cube, il ne saura pas y accéder. Donc, il y a vraiment cette partie layer 2 et également la partie service discovery. Alors, ça, par contre, c'est bien sûr si les overlays, enfin, si les réseaux des pods, bien sûr, ne s'overlappent pas et qu'on a... Alors, ça, oui. Alors, si on a des réseaux d'overlap, on a d'autres technologies, mais qui ne sont pas encore GA, donc on parlera dans un prochain podcast, qui permettent de faire ça. Mais oui, effectivement, comme tu le précises, il faut qu'au niveau réseau de pods, on soit sur des... Voilà, c'est quelque chose auquel on ne pense pas très souvent, parce que les pods, la plupart du temps, sont isolés. C'est donc, ça. Même on réutilise les mêmes. Enfin, dans plein de sociétés où j'ai été, où les plages d'adresses IP, c'est un peu le Saint Graal, oui, assez compliqué. Les pods, on les met tous dans le même. Et en fait, justement, via du Submariner, ils pourraient pas se parler, en tout cas actuellement, apparemment. C'est une bonne remarque. Effectivement, c'est une des contraintes, enfin une contrainte qui est pas si colossale que ça, mais si on y pense à l'avance, c'est mieux, oui, effectivement. Voilà, c'est quelque chose qui est possible, mais oui, non, c'est assez marrant. Et donc, on connaît l'historique de Red Hat qui est je rachète une boîte, je mets en open source ce qu'il y a. Tu as parlé de Quay notamment. Bah, c'était un logiciel qui était de CoreOS qu'ils n'avaient pas open sourcé, qui a été open sourcé ensuite. Tout à fait. Dans l'autre sens, Red Hat s'est fait racheter par IBM. Tu as parlé du logiciel de gestion de flotte. Oui. Moi, c'est un sujet qui me pas, enfin, dont je parle beaucoup parce que, enfin, en tout cas, dont j'ai pas mal regardé. Je connais pas ce logiciel. Il est open source ou pas? Il est pas encore upstream. Donc, il sera upstream parce que ça change pas en tout cas. S'il y a une chose, et même moi, je dirais à titre employé Red Hat, quand je me suis fait racheter, j'avais pas forcément la visibilité sur ce qu'il allait devenir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette notion d'avoir un upstream, on l'a toujours. Alors, pas forcément dans la minute, hein, parce que pour rien vous cacher, la manière dont code IBM et la manière dont code Red Hat ne sont pas tout à fait pareils. Donc, il a fallu nettoyer un petit peu le soft pour le remettre au standard Red Hat. Je nierai l'avoir dit, encore une fois, même si c'est enregistré. Et donc, une fois, effectivement, qu'il y a une remise à niveau de ce soft, il y a un upstream. Ça a été le cas avec Ansible, avec Tower. C'est toujours le cas. Si on a du propriétaire, on met upstream, parce que dans la software factory Red Hat, on ne sait pas faire autrement. C'est-à-dire que la manière dont est fait le pipeline, on ne peut pas, à un moment donné, s'il n'y a pas d'upstream, fonctionner. Donc, il y aura un upstream de ce produit. Alors, j'ai pas encore la date. Il y a un autre produit aussi qui est intéressant. Là, je fais un peu des écarts, mais dans toujours la partie outillage, on a racheté une société qui s'appelle StackRox, qui est un peu l'équivalent d'un Sysdig Aqua Security. Là aussi, il y aura un upstream qui sera mis à disposition. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant pour la communauté ou même pour les gens qui se posent des questions par rapport à cette techno-là. C'est quand même avoir accès à des outils entreprises assez puissants. Alors, sans support, évidemment, quand on est en version open source, mais qui fonctionnellement, en termes de techno, sont les mêmes, ne sont ni plus ni moins que les incubateurs de ce qu'on a en version entreprise. Donc, ces produits-là arriveront en upstream. Alors, je ne sais pas si ce sera cette année ou début d'année prochaine, mais généralement, il faut compter à peu près un an et demi entre le moment où il y a une acquisition et le moment où on considère que l'upstream est suffisamment propre pour qu'on ne se fasse pas cartonner quand on pousse sur le repo. Là, si je comprends bien, en fait, la base de Red Hat, ça devient OpenShift. Ça devient vraiment l'enabler de tout le reste de l'écosystème, en fait. J'ai un OpenShift. Une fois que j'ai un OpenShift, je peux installer après toutes ces briques de l'écosystème, dont le stockage. Est-ce qu'un jour, il ne va pas falloir rappeler, renommer Red Hat en OpenShift, OpenShift Company ou quelque chose comme ça? La com en interne, surtout quand OpenShift 4 est sorti, c'est OpenShift is the new rel. Et c'est clairement... C'est vraiment la vision qu'on en a. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'en sans rentrer dans le détail des chiffres, on commence à avoir un rééquilibrage conséquent en termes de revenus. C'est-à-dire que RHEL représente évidemment l'operating system une partie importante, mais qui est en croissance beaucoup moins forte qu'OpenShift. Et on a un équilibrage, c'est-à-dire qu'OpenShift représente une part significative du revenu Red Hat et en très très forte croissance, notamment en termes d'acquisition de nouveaux clients. Et il y a un peu un cercle vertueux. C'est ce que j'évoque parfois avec certains clients, c'est que un client qui a déjà fait du cube, il a déjà fait ses études de marché, ses RFI, c'est à peu près où il met les pieds. On a beaucoup d'autres clients, et même parfois des grands noms, hein, dont je tairai les noms par courtoisie, mais qui sont un peu rattrapés dans la lueur des phares par Kubernetes, une fois que leur DSI est revenu de la KubeCon ou ailleurs, et qui leur dit, on en est où? Ils en sont nulle part, et qui doivent rapidement faire des choix. Et le fait de se dire, mon voisin qui fait la même chose que moi, ou mon compétiteur, il a pris cette techno-là, il a fait un projet, il tourne en prod depuis un an et demi, je peux faire un call avec lui, avoir un rétexte, c'est quelque chose qui rassure beaucoup. Donc on a vraiment cet effet vertueux. C'est vrai que je cite assez souvent le chiffre de market share, on a 47% aujourd'hui du cube payant d'entreprise. Alors je parle pas du cube managé, hein, je parle vraiment des Tanzu, des Rancher, Mirantis et autres Docker sur ce marché-là, Red Hat ça représente 47%. Donc 47% de ce qui est en distribution payante d'entreprise, c'est de l'OpenShift. Donc en termes de user group, en termes de communauté qu'il y a autour de ça, même si vous allez sur Reddit, vous regardez sur Reddit le nombre d'entrées qu'il y a sur OpenShift ou des gens qui posent des questions, pour moi c'est un bon indicateur que hors de l'écosystème Red Hat, c'est quelque chose qui phosphore pas mal, quoi. Ouais, c'est assez marrant en fait ça, l'intégration dans des grands groupes. Moi je l'ai vécu alors par des connaissances et des amis, par l'autre lumière, enfin par l'autre porte, c'est-à-dire que des gens voulaient avoir un Kubernetes, on leur disait non, vous ne voulez pas un Kubernetes, Kubernetes c'est compliqué, tout le monde n'arrête pas de dire que c'est compliqué, non. Ce que vous voulez c'est un pass, et on va vous mettre de l'OpenShift. Et en fait après ils se retrouvaient à avoir l'OpenShift, ils font ok mais donne-moi le kubeconfig, et en fait ils se retrouvaient à faire du Kubernetes, donc c'est assez marrant. Je parle de ça, c'est les versions 2.3, ouais. Hein, c'est vraiment, il y a un petit moment de ça, mais dans pas mal d'entreprises, en fait... tout le monde était pour avoir de l'OpenShift parce que ça permettait de rassurer tout en haut en disant non, méga, ne réinvente pas la roue, regardez, ils ont un pass. Mais en même temps, en vrai, en fait, tout le monde voulait un Kubernetes pour pouvoir enfin avoir les mains libres et pouvoir faire enfin ce qu'ils ont envie et besoin en dessous. Et c'est assez marrant comment OpenShift a été en fait entre les deux et a su parler en haut et en bas à un moment donné. Et je trouve ça assez marrant là de l'apprendre. Hein. Enfin, clairement, moi je suis comme tous les auditeurs, hein, j'apprends les choses de voir que justement la vision c'est d'aller plus vers du vanilla et de se reposer sur Kubernetes en lui rajoutant des fonctionnalités. C'est ça, parce qu'on se rend compte, et si tu regardes un peu la SNCF, tu te rends compte qu'il y a quand même un vrai foisonnement, et on est quand même moins sur un trend où on va faire grossir l'API cube, elle est un peu sanctuarisée. Pour moi, c'est un peu comme sur OpenStack, recentré vraiment sur les fondamentaux CAS, et puis après, il y a plein d'autres trucs autour. La partie service mesh, la partie serverless, ces choses dont on aurait pu se dire il y a quelques années, ça devait être une extension de l'API cube, et on voit bien qu'on a ces choses qui vivent leur vie de manière séparée. Et donc Red Hat par rapport à ça, et on fait un peu un job de curator, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on regarde... alors il y a deux manières de faire, il y a la manière un peu à l'américaine, c'est dans ce truc qui est vachement important pour nous en termes de roadmap, donc on va mettre 50 développeurs dessus, et donc du coup il y avoir beaucoup de commits et une grosse traction, quand des fois il y a vraiment des éléments qui sont stratégiques pour nous, notamment... parce que on a un gros client qui sur tout le framework repose sur l'Istio, du Kali, du Jaeger, le fait qu'on ait un service mesh robuste, c'est important pour ce client. C'est ça aussi qu'il faut que les auditeurs comprennent, c'est que bon, parfois, alors je l'entends de moins en moins heureusement, mais parfois on entend des ayatollahs de l'open source qui disent oui, Red Hat n'apporte pas grand-chose enfin en gros, ils vendent du gratuit. Alors, moi, je suis Red Hat, donc évidemment, j'ai une vision biaisée, mais en fait, dans le life cycle, c'est plutôt il y a des très gros clients, souvent américains, européens, qui ont des besoins, Et eux, en fait, en payant à Red Hat ces souscriptions, indirectement font évoluer le produit. C'est arrivé un peu avec OpenStack, avec le telco. Si les Verizo, les Orange et les SFR n'avaient pas eu besoin d'OpenStack pour les VNF, aujourd'hui, l'OpenStack communautaire, il serait pas où il en est. Et Cube, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui, de toute façon, ont besoin de faire cet effort-là, raisonnent dans le mode « j'ai des super devs, mais quand je vais faire un pull request, j'aimerais bien qu'il soit mergé ». Hein, ce serait pas mal. Et donc, il y a un peu cette coopération avec Red Hat pour porter des features. Et nous, ce qui est assez rigolo, bon, je suis pas dans les parmi les committeurs, ni même dans le board, mais on a parfois des échos quand on fait ce qu'on appelle des requests for enhancement. Un request for enhancement, c'est un vilain nom en open source pour dire, on va remonter dans le backlog une feature pour qu'elle soit mergée. C'est ça, une request for enhancement. Ou alors, c'est vraiment une création complètement de feature. Et c'est souvent assez intéressant de tirer le fil et de voir les échanges dans les tickets Jira ou dans le chain et dire, tel client, c'est la grande banque américaine, le gros constructeur d'avions qui avait besoin de cette feature-là. Et puis, au bout d'un an et demi, ils ont fait un fixe pour la version d'OpenShift pour ce client. Et puis après, c'était tellement intéressant que ça a été mis en upstream. Et du coup, tout le monde y a accès. C'est ça, cette historique qui est assez intéressant. Et faut plutôt voir ça, le côté payant, en mode quelque part mécénat. C'est-à-dire qu'il y a des très gros clients qui payent de toute façon, qui ont besoin d'un support et d'un service. Mais ça bénéficie quand même à toute la communauté. Versus d'autres acteurs, que je citerai pas. Que c'est enregistré, mais qui, eux, utilisent énormément de technologies open source, mais n'ont pas d'upstream ISO. Ils font du freemium, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire qu'ils ont des versions dégradées. Red Hat, c'est quand même un des derniers où on a un produit ISO fonctionnel entre la version entreprise et la version open source. Oui, c'est ça. L'abonnement, il sert aussi à avoir accès à des experts, à des gens qui s'y connaissent, dedans. C'est ce qui est un point important et un point d'ailleurs qui est souvent délaissé pour plein de raisons. Souvent parce que c'est le not invented here syndrome, quoi. Donc les gens aiment bien avoir à refaire. Dites-vous que même si vous utilisez l'open source et que vous avez des patchs que vous n'avez pas open sourcés, vous êtes pire que Red Hat. En fait, enfin, c'est clairement ça, les choses à un moment qu'il faut avoir en tête. Tout à l'heure, je vais rebondir. J'en ai pas parlé, je crois pas dans un podcast encore. Les gens qui me connaissent savent qu'à la dernière KubeCon de ce que j'y ai fait, mais c'est vrai que ce dont tu parles là, c'est vraiment un point important. Moi, là, j'ai essayé de remonter des fonctionnalités, et clairement, quand on a un contributeur individuel, c'est extrêmement compliqué. Alors, c'est je sais pas qui est l'œuf et la poule aujourd'hui. C'est vrai que si jamais vous avez des contributions que vous les essayez de faire passer et que vous n'êtes pas un gros nom, ça va être extrêmement compliqué dans plein de projets de pousser des fonctionnalités. Donc c'est vrai que là, des fois, être backé par des gros acteurs, des gens connus, des gens qui vont pouvoir un peu mettre leur légitimité derrière votre nom, c'est souvent un intérêt. Donc après, malheureusement, il y a des projets qui sont trop comme ça et qui attendent que ce soit que des gros noms qui leur fassent des pull requests et sinon, ils ne les regardent pas. Mais c'est vrai que c'est un point important de voir que c'est pas juste vendre une licence, c'est aussi vendre de l'expertise qui va avec et pas que de l'expertise de sales du début, ça va aussi dans le cycle de vie. Tout à l'heure, tu as parlé de la partie Istio et donc toute la partie service mesh. Tu as teasé un peu le fait de la partie SDN. Oui. Justement, comment est-ce fait cette partie-là? Vous utilisez des produits classiques, des Weave, des Calico, des choses comme ça, ou est-ce que vous avez... Alors, je vais faire une réponse de breton, c'est oui, oui et oui, ou de normand. De base, en fait, on a un SDN qui est basé sur OVN maintenant, historiquement OVS, qui va vraiment gérer tout ce qui est Est-Ouest sur le cluster. Donc on a des bridges OVS qui sont pilotés par le control plane OVN. Alors je vais pas forcément rentrer dans le détail OVN au risque d'endormir les auditeurs. Non, mais c'est super sympa. Enfin, alors, c'est un sujet déjà. Pour revenir un peu dessus, parce que même je pense qu'il y a des gens qui savent même pas. C'était historiquement ce qui était utilisé dans OpenStack de manière un peu native, on va dire. En tout cas, c'était celui qui était le... Ça a été tout un sujet, ça, pendant un temps. Mais en tout cas, c'était ce qui était utilisé dans OpenStack pour faire la communication entre les nodes, en fait, et entre les VM, et avoir un SDN pilotable directement depuis Neutron dans OpenStack. Et donc, comme on avait quand même déjà bien contribué sur la partie OVS, on a beaucoup de clients telco qui en avaient besoin. Alors, je vais pas rentrer encore une fois dans les détails des OVS, des PDK et autres joyeusetés, mais beaucoup de clients telco avait besoin vraiment de muscler OVS. Et donc OVN, c'est une évolution d'OVS avec pour la gestion des flows, les propres bases, le North Plane, le South Plane qui sont séparés. Je ne vais pas forcément entrer en détail. Donc c'est OVN qui est en standard pour gérer ce trafic Est-Ouest. Et après, pour tout ce qui est Ingress, on a HAProxy qui va gérer l'ingress pour les applications. Et sinon, on a aussi la possibilité d'utiliser des instances de LiveKeeper pour l'IP Fallover avec du VRP si on n'est pas sur du trafic type HTTPS ou autre. Donc, par défaut, c'est ça qui est, quand on installe, on a ça. Maintenant, on a tout à fait possibilité avec la partie CNI, au même titre qu'on parlait de Container Storage Interface, on a le Network Interface, donc ça, c'est du standard cube, c'est pas propre à OpenShift, de venir plugger d'autres providers. Et on a également Multus qui est supporté, donc qui permet d'avoir plusieurs interfaces, plusieurs NICs sur un même pod. Et donc ça, ça permet de dire à un moment donné, bah, si j'ai envie d'avoir de base le SDN OpenShift basé OVN et puis une patte sur un Calico, une patte sur un Juniper ou autre, n'importe quel autre provider, c'est quelque chose qui est faisable. On a pas mal de clients pour les intégrations où vraiment on essaie de débrayer complètement ce que je conseillerais pas, la partie OVN de base. C'est beaucoup de clients qui sont des clients déploiement VMware, full NSXT. La première chose qu'ils demandent, c'est de débrayer tous les SDN pour mettre NSXT à la place. Ça fonctionne, ça demande un peu d'huile de coude. Maintenant, il y a quand même pas mal de limitations parce que en fait, la partie NSXT va gérer que le Nord-Sud et puis après, ça va quand même être du Tigra Calico pour le S-Ouest. Enfin, je rentre pas dans les détails, mais quand on fait ça, faut quand même avoir le use case. Faut pas faire de la c'est un peu comme en OpenStack. Moi, j'avais beaucoup de clients en OpenStack qui disaient, oh, faut absolument que je mette un autre SDN, une trompe de base, ça va pas faire le job. D'abord, se poser la question de ce qu'on souhaite faire, des use cases, de ce qui est en magasin, parce que dites-vous que si vous intégrez un SDN tiers, alors il y a certes des opérateurs qui permettent de les intégrer un peu plus facilement, mais ça fait quelque chose à gérer, quelque chose à monitorer en plus. Donc il faut qu'il y ait du sens pour le faire. 90% des clients qu'on a en prod, ils tournent qu'en SDN OpenShift natif, et ils en sont assez contents. Oui, c'est, enfin, de toute façon, il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire le temps et l'apport qu'on va avoir sur un autre point. Toi, là, quelle serait la première façon de pouvoir rentrer dedans? Tu as parlé d'un projet, donc OKD, qui est le projet upstream open source. Quelle est pour toi la première façon, peut-être, s'accoutumer avec OpenShift? Est-ce qu'il vaut mieux commencer sur un Kubernetes Vanilla, commencer à faire ces petites choses, et après, de voir, d'appeler Red Hat et de dire, bon, bah, maintenant que je vois, je fais ça. Quel est le meilleur move et celui que tu vois le plus, en tout cas, aujourd'hui? En fait, il y a deux. Alors, soit il y a les clients qui ont vraiment un intérêt sur Cube et ils vont avoir un cheminement qui va les amener petit à petit à choisir une distribution. Donc ça, c'est quelque chose qui intervient vraiment en amont. On n'est pas forcément impliqué. Après, les clients qui sont déjà intéressés par OpenShift, effectivement, il y a soit je veux vraiment voir la techno et j'ai un peu de temps devant moi, ce qui devient de plus en plus rare, hein, avec les clients. C'était vrai. En fait, c'est normal, hein, parce que plus la techno devient mature, plus le côté incubateur, la période s'est réduite. Donc, effectivement, il y a quelques années, j'avais pas mal de clients. Dit, bon, j'ai fait un POC d'un an sur OKD, et puis on se rappelle. Il y en a encore quelques-uns, mais de manière plus en plus rare. Il y a des clients qui sont déjà en mode, ça risque fortement d'atterrir sur OpenShift. J'en ai déjà fait chez un autre client et j'en ferai chez le client suivant. Donc là, il y a de toute façon une possibilité d'avoir une éval. Où là vous avez vraiment l'OpenShift, la dernière release qui est disponible. Là, simplement, la chose dont vous avez besoin, c'est d'infra, au moins de VM pour l'installer dessus, donc un petit VPC quelque part sur AWS. Et puis il y a d'autres clients aussi qui veulent vraiment jouer avec mais n'ont pas forcément envie de faire le déploiement. Il y a le côté as a service aussi. Si vous êtes sur AWS, vous êtes sur la marketplace, vous avez une offre qui s'appelle Rosa, vous avez Arrow aussi sur Azure, où en fait c'est vraiment le côté SaaS. Vous cliquez, vous avez accès à la console. Après, aussi pour les devs, il y a quelque chose qui s'appelle MiniShift, avec la partie CRC. Il y avait ce côté mini OpenShift qui tourne sur le laptop. Donc ça existe aussi avec la partie CRC. Donc là, vous avez un OpenShift tout intégré. Alors, ça va vite être, limité en termes de CPU RAM. Ça dépend de votre laptop, mais bon, à partir du moment où vous allez vouloir monter des services, c'est bien plus pour voir l'aspect fonctionnel. Après, si vous voulez mettre un vrai geste AIML dessus, bon, vous allez vite arriver aux limites. Mais il y a donc toute cette possibilité-là de jouer avec la plateforme. Et la partie MiniShift en est une où vraiment il n'y a pas d'impact de coût, c'est sur le laptop. Et puis après, faut de l'infra, faut du CPU RAM, c'est toujours pareil, il n'y a pas de magie. Et enfin, l'avenir d'OpenShift, donc on en a déjà un peu parlé, hein, mais là, à l'heure actuelle, la voie vers laquelle Red Hat veut pousser, est-ce que c'est plus vers de la virtualisation pour remplacer cette partie OpenStack, plus sur la partie déploiement de machines, plus sur, je sais pas, l'intégration des opérateurs, enfin, quelle est un peu la vision aujourd'hui, le plan, sachant qu'il peut changer à tout moment dessus, mais quelle est un peu la vision à long terme, l'intégration d'autres soucis, enfin, de CoreOS, de plus, enfin, je sais pas, quelle serait la vision un peu? Alors, vraiment, la grosse tendance qu'on voit maintenant, et c'est normal parce que c'est lié un petit peu aussi au marché, c'est que les premiers clients qui sont partis sur OpenShift ou même sur Cube en général, c'était un peu des early adopters, donc c'est des gens qui avaient une certaine culture en termes de développement, une certaine maîtrise sur les plateformes. Et donc ça, c'était la première vague. Là, on arrive sur la deuxième vague où on a un peu tous les retardataires qui se jettent dans le TGV sur le quai de la gare de Lyon. Et le principal compelling event pour ça, c'est les ISV, c'est les softs. J'ai mon soft Tartompion que j'ai installé sur une VM, ou j'ai mon soft, j'ai un gros JSI qui me fait un soft, il me dit bah la prochaine release ce sera sur Cube. Je vais te livrer un M-chart, je vais te livrer un opérateur, et puis il faut un Cube. Et là ils sont vraiment dans un mode où il y a besoin d'avoir un Cube. Donc ça c'est important aussi pour nous de gérer cet écosystème là. Donc la tendance que je vois, c'est vraiment de faire de plus en plus de relations, c'est-à-dire que l'équipe qui chez nous gérait ces partenariats, alors que ce soit avec des gens de l'infrastructure, les gens du serveur, on citait Nvidia tout à l'heure, qui est un acteur avec lequel on travaille énormément par rapport à son framework, par rapport à des use cases qu'on a chez les clients, de faire du GPU slicing, d'interfacer avec eux, des gens qui font du middleware, tous les gens qui font du NoSQL, les Mongo, les Couchbase, même jusqu'à des logiciels plus importants, un Cloudera par exemple, hein, quand j'ai envie d'installer un Cloudera. Donc tous ces acteurs-là, on a de plus en plus de relations avec eux. Et souvent, eux, quand ils passent sur Cube, ils ont tendance à regarder un peu les distributeurs du marché et à privilégier OpenShift, parce que souvent, on a des clients communs, et donc ils vont réaliser d'abord sur OpenShift. Donc le gros push que je vois, c'est vraiment cet aspect indépendant de software vendor, éditeur de logiciels. Alors un éditeur de logiciels, ça peut être la startup du coin qui fait un soft jusqu'à SAS, SAP, et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment le gros mouvement que je vois, c'est la deuxième lame de fond. Aujourd'hui, le volume, si je regarde en Europe, le volume qu'on fait, il y a certes du cloud native, parfois en stateful, hein, sur Cube, mais c'est vraiment les gros ISV qui arrivent et qui sont Cube natifs, parce que pareil chez les développeurs, hein, les ISV qui développent les softs, à un moment donné les devs, j'ai arrêté de t'envoyer un artefact sur une clé USB dans une enveloppe, je vais te oui, une grosse VM et voilà, je prie pour qu'elle fonctionne. Voilà, donc on va faire et donc c'est aussi une volonté de la part des éditeurs eux-mêmes d'aller vers ce modèle pour des raisons de coût aussi et de maintenabilité. Donc moi c'est vraiment le mouvement que je vois. Et après sur un aspect plus technique, pas trop écosystème, ce qui arrive c'est vraiment l'autre manière de consommer Cube. Alors je parlais tout à l'heure de la partie service mesh, la partie serverless. Il y a tout un écosystème autour de la partie Knative. On parlait de Tecton qui est un exemple, mais il y a vraiment de plus en plus de clients qui regardent le fait de consommer Cube différemment pour avoir une élasticité plus forte, une portabilité de workload. Donc ça, c'est aussi un gros move. Et puis, la troisième chose, qui pour l'instant, je vois plus côté client américain, c'est vraiment la partie managée, la partie SaaS. Nous, on va avoir chez les clients qui ont les deux, généralement, ils font du SaaS quand ils ont des entités qui n'ont pas envie de payer le service interne ou qui n'ont pas besoin d'un niveau de custo hyper fort ou qui n'ont pas besoin de la sécurité au max. Ils prennent le service managé, mais ils ont du coup la même offre que l'entité groupe. Et ça, c'est quelque chose qui pousse très fort aux États-Unis, toujours pour des optimisations de coûts, hein, parce que c'est des ETP en moins pour manager la plateforme. Et fonctionnellement, du coup, ils donnent juste l'accès aux devs. Parfois, c'est même pas l'accès aux devs, hein, c'est un bout de GitLab runner qui tape l'OpenShift. Le dev se connecte jamais dessus. Et ça, c'est un peu les trois tendances. Même si le mode SaaS managé, je pense pas qu'en Europe, ça va être un raz-de-marée non plus à très court terme. Alors qu'ISV, si beaucoup plus. D'accord. Bah super. Je sais pas si tu as autre chose que tu aimerais rajouter. On pourrait parler. Oui, c'est toujours. Ça sera pas une prochaine fois. C'est un problème. Longuement. Et Red Hat, je sais pas si tu as envie de faire la promo de Red Hat là, si vous recrutez ou pas. Il y a toujours un petit peu des. Il y a effectivement dans tout type de job. Alors chez Red Hat, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié des gens chez Red Hat, c'est des développeurs. Hein. C'est des développeurs qui commitent sur l'upstream et qui packagent le produit d'upstream. Donc, que vous soyez développeur, que vous soyez consultant en professional service ou même sur des fonctions d'avant-vente, un peu comme ce que je fais moi, ou même commercial, il y a une activité qui est assez forte. Donc oui, regardez, allez sur le site Red Hat et n'hésitez pas à postuler. Ouais, super. Bah, merci à toi. C'était super intéressant. J'espère que tous, vous avez appris des choses sur OpenShift. Bon, en tout cas, j'ai appris des choses. De toute façon, on va revoir tous ces projets-là, même si on touche pas de l'OpenShift, dans tout le CNCF et même au-delà, dans tous les opérateurs et tout. Donc, on voit bien que Red Hat, dû au rachat de CoreOS et son rachat même par IBM, est très présent. Donc, ça, c'est très cool. Donc, merci beaucoup. Nous, tous les auditeurs, on se retrouve. Donc, n'hésitez pas à nous pinguer sur Twitter, sur le Discord, sur quoi que ce soit. Si vous avez des questions, des remarques, des envies d'un sujet ou parler de quelque chose, c'est un point important. Là, voilà. Il y avait ce sujet-là. C'est... David, Red Hat avait envie de parler d'OpenShift là-dessus. Donc, ça a été ça le move. Donc, n'hésitez pas. Et puis voilà. Puis, on se dit à une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à toi.